Pages arrachées à Lewis Carroll. Deuxième épisode. L'enchanteur. Alice, Sylvie et Bruno. Enregistré sans public à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Lewis Carroll, plus connu à Oxford sous son vrai nom, Charles Dodgson, écrit dans son journal à la date du 25 avril 1856 « Voilà un jour à marquer d'une pierre blanche ». Ce jour-là, alors qu'il se rend dans le jardin du doyen, Henry Liddell, il fait la rencontre de ses trois filles, Lorina, Edith et Alice. Le 4 juillet 1862 est sans doute un autre jour remarquable. Lewis Carroll invite les trois sœurs Liddell à une promenade en barque sur la Tamise. Tout en ramant, il improvise une histoire. Un mois plus tard, au cours d'une autre expédition, les trois sœurs insistent pour qu'il reprenne, là où il l'avait laissé, l'interminable conte de fées intitulé plus tard « Les aventures d'Alice sous terre », puis « Les aventures d'Alice au pays des merveilles ». Alice paraît en 1865. Lewis Carroll rédigera plus tard une autre version d'Alice pour des lecteurs de 0 à 5 ans, intitulée « Alice racontée aux petits-enfants ». Comme le révérend Charles Dodgson chemine toujours à côté de Lewis Carroll, la légende se mêle à la réalité. On raconte qu'une autre fillette prénommée Alice, fascinée par son reflet, a inspiré la suite des aventures intitulée « De l'autre côté du miroir ». Quelque temps avant la publication du miroir en 1871, l'illustrateur John Tenniel écrit à Lewis Carroll. Pardonnez ma brutalité, mais je dois vous dire que le chapitre du frelon ne m'intéresse pas du tout et que je ne vois pas comment l'illustrer. Si vous voulez raccourcir le livre, je ne puis m'empêcher de penser en toute déférence que c'est là l'occasion rêvée. Voilà comment un frelon à perruque a subitement disparu de l'ouvrage, ne réapparaissant qu'un siècle plus tard, en 1974, au cours d'une vente aux enchères. Nous vous proposons de l'entendre. Vous pourrez ainsi dire s'il méritait son sort. Le frelon à perruque. Quelques pas la conduisirent au bord du ruisseau, et elle s'apprêtait à le sauter quand elle entendit un profond soupir qui semblait venir du bois, derrière elle. « Il y a ici quelqu'un de très malheureux », pensa-t-elle en regardant en arrière avec inquiétude pour voir de quoi il retournait. Quelque chose comme un très vieil homme, mais dont le visage ressemblait plutôt à celui d'un frelon, était assis par terre, appuyé contre un arbre, tout recroquevillé et grelottant, comme s'il était gelé. « Je ne pense pas pouvoir lui être de quelque utilité », fut la première pensée d'Alice en se retournant pour sauter le ruisseau. « Mais je vais tout de même lui demander ce qu'il a », ajouta-t-elle en s'immobilisant à l'extrême bord. « Si je le franchis, tout changera et je ne pourrai plus l'aider. » Aussi retourna-t-elle vers le frelon, plutôt à contre-cœur, car elle était très impatiente de devenir reine. « Oh, mes vieux os !» grommelait-il quand Alice arriva près de lui. « C'est du rhumatisme, j'imagine. » se dit Alice, et elle se pencha vers lui en demandant très gentiment « J'espère que vous ne souffrez pas trop. » Le frelon se contenta de hausser les épaules et de détourner la tête en marmonnant « Oh là là, pauvre de moi. » « Puis-je faire quelque chose pour vous ?» continua Alice. « N'avez-vous pas un peu froid ici ?»« Comme vous y allez ?» dit le frelon d'une voix maussade. « Bonsoir, on n'a jamais vu une enfant pareille. » Alice se sentit plutôt vexée de cette réponse et fut bien près de s'éloigner en l'abandonnant là, mais elle pensa « C'est sans doute la souffrance qui le rend si désagréable. » Et elle fit une nouvelle tentative. « Ne me laisserez-vous pas vous aider à passer de l'autre côté? Vous y seriez à l'abri du vent froid. » Le frelon lui prit le bras et la laissa l'aider à contourner l'arbre, mais quand il fut réinstallé, il se contenta de répéter « Bonsoir, ne pouvez-vous laisser les gens tranquilles ?»« Aimeriez-vous que je vous lise un morceau de ça ?» continua Alice en ramassant un journal qui traînait au pied du frelon. « Lisez-le si vous voulez !» dit-il d'un ton maussade. « Nul ne vous en empêche que je sache !» Aussi, Alice s'assit-elle à ses côtés, étala le journal sur ses genoux et commença. « Toute dernière nouvelle !» l'expédition a fait une nouvelle exploration du garde-manger et y a découvert 5 nouveaux morceaux de sucre blanc, grands et en parfait état. Au retour... Et du sucre brun ? Interrompit le frelon. Alice parcourut rapidement le journal et dit... Non, on ne parle pas de brun. Pas de sucre brun ? Grommela le frelon. Belle expédition. Au retour, continua Alice, un lac de mélasse a été découvert. Les rives du lac sont bleues et blanches et ressemblent à de la porcelaine. Alors qu'on goûtait la mélasse, un déplorable accident se produisit. Deux membres de l'expédition furent engloutisés. Furent quoi ? Demanda le frelon d'une voix irritée. Engloutisés, répéta Alice en divisant le mot en syllabes. Un tel mot n'existe pas, dit le frelon. Ah, il est pourtant dans ce journal, dit timidement Alice. Restons-en là, dit le frelon en tournant la tête d'un air irrité. Alice reposa le journal. Je crains que vous ne vous sentiez pas bien, dit-elle d'une voix apaisante. Ne puis-je faire quelque chose pour vous ? C'est rapport à la perruque, dit le frelon d'une voix radoucie. Rapport à la perruque ? Répéta Alice, très satisfaite de voir qu'il recouvrait son sang-froid. Vous seriez contrarié aussi si vous auriez une perruque comme la mienne. Continua le frelon. Ils se moquent tous de moi, ils me harcèlent et alors je me fâche et je prends froid et je me mets sous un arbre et je prends un mouchoir jaune et je m'enveloppe la figure comme maintenant. Alice le regarda avec pitié. S'envelopper la figure est très bon pour la rage de dents, dit-elle. Et c'est très bon pour la vanité, ajouta le frelon. Alice ne saisit pas bien le mot. Est-ce une sorte de rage de dents ? Demanda-t-elle. Le frelon réfléchit un instant. Eh bien, non, dit-il. C'est quand vous tenez la tête droite, comme ça, sans pencher le cou. Ah, et vous voulez dire du torticolis ? C'est le nom à la mode. De bon temps, on appelait ça vanité. La vanité n'est pas du tout une maladie, fit remarquer Alice. Mais oui, c'en est une. Attendez de la voir, vous verrez. Et quand vous l'aurez attrapée, essayez donc de vous nouer un mouchoir jaune autour de la figure. Ça vous guérira en un rien de temps. En parlant, il dénoua le mouchoir et Alice, stupéfaite, découvrit sa perruque. Elle était jaune vif, comme le mouchoir, et toute mêlée et embrouillée comme un tas d'algues marines. Vous pourriez rendre votre perruque bien plus jolie, dit-elle, si vous aviez un démêloir. Eh bien quoi ? Vous êtes une abeille, n'est-ce pas ? Dit le frelon, la considérant avec plus d'intérêt. Et vous avez un démêloir ? Beaucoup de miel ? Pas ce genre-là. Se hâta d'expliquer Alice. Un démêloir, pour se peigner les cheveux. Votre perruque est tellement en désordre, vous savez. Je vais vous raconter comment j'en suis venu à la porter, dit le frelon. J'étais jeune, vous savez. Mes boucles ondulaient. Une idée bizarre vint à l'esprit d'Alice. Presque tous ceux qu'elle avait rencontrés lui avaient récité des poèmes, et elle se demanda si le frelon ne pourrait pas en faire autant. Ne voulez-vous pas me le raconter en vers ? Demanda-t-elle très poliment. Je n'en ai guère l'habitude, dit le frelon. Mais je vais essayer. Attendez un peu. Il resta quelques instants silencieux et commença. Jeune homme, mes cheveux bouclés, vrillés et frisés sur ma nuque. Alors on me dit rasez-les, portez une jaune perruque. Mais quand j'ai suivi leur avis et que le résultat apparut, on me trouva bien moins joli qu'on ne s'y était attendu. On dit que ça ne m'allait pas et me donnait leur ordinaire. Mais que pouvais-je, hélas, y faire ? Mes boucles ne repoussaient pas. Maintenant que je suis vieux, gris, et que mes cheveux sont partis, on m'ôte ma perruque et on dit vraiment quelque chose. Et chaque fois que je parais, on me traite de vieux déchet. Tout ça, ma chère, vous étonne. La cause, c'est la perruque jaune. J'en suis désolée pour vous, dit Alice avec chaleur. Et je pense que si votre perruque vous allait un peu mieux, on ne vous tracasserait pas tant. Votre perruque vous va très bien, murmura le frelon en la regardant avec admiration. C'est rapport à la forme de votre tête. Vos mâchoires sont bien mal formées, pourtant. Je me demande si vous pouvez mordre comme il faut. Alice fut prise d'un petit fou rire qu'elle déguisa en tout du mieux qu'elle put. Elle s'arrangea enfin pour déclarer gravement. Je peux mordre tout ce que je veux. Pas avec une si petite bouche. Insista le frelon. Si vous auriez à vous battre là maintenant, pourriez-vous attraper l'autre par la nuque? Je crains bien que non. Évidemment, c'est parce que vos mâchoires sont trop courtes. Continua le frelon. Mais le dessus de votre tête est joliment arrondi. En parlant, il enleva sa perruque et allongea une de ses griffes vers Alice, comme s'il voulait faire de même avec elle, mais elle se tint hors d'atteinte et ne releva pas la suggestion. Aussi, continua-t-il ses critiques. Et puis vos yeux, ils sont trop en avant, aucun doute. Hein. Quitte à les avoir aussi rapprochés, un seul ferait l'affaire. Alice n'aimait pas qu'on se permît autant de remarques personnelles à son sujet, et comme le frelon avait complètement recouvré ses esprits et devenait très bavard, elle pensa qu'elle pouvait le laisser seul en toute sécurité. Je crois qu'il me faut partir, maintenant. Dit-elle. Au revoir. Au revoir, et merci. Dit le frelon. Et Alice se remit à dévaler la colline en gambadant, très contente d'avoir fait demi-tour et consacré quelques instants à réconforter la pauvre vieille créature. Mais il n'y a pas qu'Alice dans la vie de Lewis Carroll. Quelques 20 années plus tard, quand il entame l'écriture de Sylvie et Bruno, il compte bien inventer une forme nouvelle et ne pas se résigner à reproduire les mêmes procédés jusqu'à la fin de ses jours. En général, un écrivain dessine la trame d'un roman, puis le nourrit d'épisodes et de détails. Lewis Carroll a fait le contraire. Il a noté au cours de sa vie des dizaines d'anecdotes, de détails, d'idées disparates, puis les a cousues ensemble. Il est impossible de résumer un tel livre, mais il est possible d'entendre son tout premier chapitre. Sylvie et Bruno. Chapitre premier. Moins de pain, plus d'impôts. Et alors, tout le monde recommença à applaudir, et un homme qui était plus excité que les autres jeta son chapeau en l'air et hurla, pour autant que j'ai pu comprendre, « Qui acclame le sous-gouverneur ?» Tout le monde acclamait, mais il était difficile de dire si c'était ou non le sous-gouverneur. Certains criaient « du pain », d'autres « des impôts », mais personne ne semblait savoir ce qu'il voulait. Je voyais tout cela par la fenêtre ouverte de la salle à manger du gouverneur, regardant par-dessus l'épaule du chancelier qui avait bondi au moment où l'émeute commença, presque comme s'il s'y attendait, et s'était précipité à la fenêtre d'où l'on avait la meilleure vue de la place du marché. « Mais qu'est-ce que cela veut dire ?» se répétait-il, tandis que, les mains derrière le dos et sa toge flottant dans l'air, il arpentait la pièce d'un pas rapide. « Je n'ai jamais entendu de tels cris, et à 7 heures de la matinée surtout, et avec une telle unanimité. Est-ce que cela ne vous paraît pas étonnant ?» Je fis remarquer modestement que les cris me paraissaient de nature diverse, mais le chancelier ne m'écoutait pas. « Mais ils crient tous la même chose, je vous assure !» dit-il. Puis, se penchant par la fenêtre, il murmura à un homme qui se tenait juste dessous. « Pour maintenir l'ordre, n'est-ce pas? Le gouverneur sera ici dans un instant. Donnez-leur le signal de se mettre en marche. » La mise en marche fut un curieux spectacle. Un cortège d'hommes apathiques, marchant deux à deux, commença à un bout de la place et zigzaga irrégulièrement vers le palais, louvoyant au hasard comme un bateau contre le vent, si bien que la tête de la manifestation était souvent plus loin de nous à la fin d'une bordée qu'au début de la précédente. Le tout était évidemment orchestré, car je remarquais que tous les yeux étaient fixés sur l'homme se tenant sous la fenêtre, auquel le chancelier parlait continuellement à voix basse. Cet homme tenait son chapeau dans une main et un petit drapeau vert dans l'autre. Quand il agitait le drapeau, la manifestation approchait, et quand il l'abaissait, elle s'en allait de guingois, et quand il agitait son chapeau, ils lançaient tous de rauques acclamations. « Ouh, rah !» criait-il, se conformant au soubresaut du chapeau. « Ouh, rah, pas, de, constitution, moins, de pain, plus, d'impôts !»« Bon, ça ira !» murmura le chancelier. « Laissez-les se reposer un peu, jusqu'à ce que je vous prévienne, il n'est pas encore là !» À ce moment, la porte à double battant du salon s'ouvrit et il se tourna d'un air gêné en s'apprêtant à recevoir son Excellence. Mais ce n'était que Bruno. Et le chancelier eut un soupir de soulagement. Ah ! Bonjour, dit le petit garçon, s'adressant indifféremment au chancelier et au serviteur. Savez pas où est Sylvie ? Cherche Sylvie. Elle est avec le gouverneur, je crois, votre royalesse. Répondit le chancelier en s'inclinant très bas. Il y avait sans doute une certaine absurdité à donner ce titre, qui, comme je n'ai pas besoin de vous le dire, n'était autre que « Votre Royale Altesse » condensé en un seul mot, à une petite créature dont le père n'était que le gouverneur du pays du dehors. Il faut pardonner beaucoup à un homme qui avait passé plusieurs années à la cour du pays des fées et qui avait acquis le talent presque invraisemblable de condenser les mots. Le salut passa inaperçu, Bruno étant parti en courant, tandis qu'était triomphalement exprimé l'imprononçable vocable. À ce moment, on entendit au loin une voix réclamant « Un discours du chancelier !»« Certainement, mes amis !» répondit le chancelier avec une extraordinaire promptitude. « Vous aurez un discours. Compagnons d'infortune, ou plutôt infortunés, soyez sûrs que... répéta-t-il. « Sûrs que j'ai toujours sympathisé avec vous !» hurla le chancelier au premier moment de silence. Mais votre véritable ami est le sous-gouverneur. Jour et nuit, il rumine vos torts. Je devrais dire vos droits. Je veux dire vos torts. Je veux dire vos droits. À cet instant, le sous-gouverneur pénétra dans la pièce. C'était un homme maigre, la mine basse et rusée, le teint jaune-vert. Il traversa la pièce lentement, regardant autour de lui comme s'il craignait qu'un chien sauvage fût caché quelque part. « Bravo !» s'écria-t-il en tapotant le dos du chancelier. « Quel beau discours ! Vraiment, vous êtes un orateur né, mon vieux !»« Oh, ce n'est rien !» répliqua le chancelier modestement, les yeux baissés. « La plupart des orateurs sont nés, vous savez !» Le sous-gouverneur se caressa pensivement le menton. « En effet, admit-il, je n'avais jamais envisagé les choses de ce point de vue. Enfin, vous avez été très bien. » Je veux vous dire un mot en privé. La suite de la conversation ne fut que chuchotement. Aussi, comme je ne pouvais rien entendre de plus, je partis chercher Bruno. Je trouvai le petit garçon debout dans le couloir, s'entretenant avec un des hommes en livrée, quasi plié en deux par le respect, les mains pendant devant lui comme les nageoires d'un poisson. « Son Excellence, disait cette respectueuse personne, est dans son bureau, votre royalesse. » Bruno partit en trottinant et je jugeai bon de le suivre. Le gouverneur, un homme grand et digne, au visage agréable quoique sévère, était assis devant une table couverte de papier et tenait sur ses genoux une des plus douces et des plus charmantes petites filles que j'ai pu voir. Elle paraissait avoir 4 ou 5 ans de plus que Bruno, mais elle avait les mêmes joues vermeilles, les mêmes yeux étincelants et la même abondance de cheveux bruns bouclés. « Non !» « Tu ne l'as jamais vu, » disait l'homme âgé. « Tu n'aurais pas pu. Tu comprends, il a été absent si longtemps, voyageant de pays en pays, cherchant à se refaire une santé, pendant plus d'années que tu n'en as vécu, petite Sylvie. » Ici, Bruno grimpa sur son autre genou, et il en résulta une série de baisers appliqués selon un système assez complexe. « Il est arrivé seulement la nuit dernière, » dit le gouverneur après cet échange de baisers. Il a fait les derniers 1000 kilomètres à toute vitesse afin d'être là pour l'anniversaire de Sylvie. Mais il est très matinal et je pense qu'il est déjà dans la bibliothèque. Venez le voir avec moi. Les enfants descendirent de ses genoux, lui prirent chacun une main et l'heureux trio se rendit à la bibliothèque où je les suivis. Je me rendis compte à ce moment que personne ici, sauf par moments le chancelier, ne pouvait me voir. « J'espère qu'il est guéri maintenant. Limbago, rhumatisme. Il s'est soigné lui-même, vous comprenez. C'est un très savant docteur. Par exemple, il est en train d'inventer 3 nouvelles maladies et une nouvelle manière de se casser la clavicule en plus. »« Est-ce une manière agréable ?» dit Bruno. « Eh bien, pas très. » dit le gouverneur comme nous entrions dans la bibliothèque. Et voici le professeur. Bonjour, professeur. J'espère que vous êtes tout à fait reposé de votre voyage. Un gros petit homme, l'air joyeux, vêtu d'une robe de chambre à fleurs, un grand livre sous chaque bras, arriva en trottinant du fond de la pièce sans prêter la moindre attention aux enfants. « Je cherche le tome 3, » dit-il. « L'avez-vous vu ? Et mes enfants? Vous ne les voyez pas, professeur? S'exclama le gouverneur, l'attrapant à bras-le-corps pour le tourner vers eux. Le professeur rit bruyamment, puis il les fixa à travers ses grosses lunettes, une minute ou deux, sans parler. À la fin, il s'adressa à Bruno. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, mon enfant. Bruno parut stupéfait. J'ai eu la même nuit que vous, répliqua-t-il. Il n'y en a eu qu'une depuis hier. Ce fut au tour du professeur d'être stupéfait. Il retira ses lunettes et les essuya avec son mouchoir. Il les fixa de nouveau, puis se tourna vers le gouverneur. « Sont-ils attachants ?» demanda-t-il. « Bah non !» dit Bruno, qui pensait être bien capable de répondre lui-même à cette question. Le professeur secoua tristement la tête. « Pas même un peu ?»« Pourquoi serions-nous attachants ?» dit Bruno. « Nous n'avons pas de prisonniers. » Mais le professeur les avait déjà oubliés et s'adressait de nouveau au gouverneur. Vous serez heureux d'apprendre, disait-il, que le baromètre commence à bouger. Bien. Dans quel sens? Il monte ou il descend? D'une année à l'autre. Il va latéralement, si je puis m'exprimer ainsi. Et quel genre de temps cela donne-t-il? Le temps horizontal, dit le professeur, et il se précipita vers la porte, écrasant presque Bruno qui n'eut que le temps de se jeter de côté. « N'est-il pas savant ?» dit le gouverneur. « Son savoir est vraiment écrasant. »« Possible, mais ce n'est pas une raison pour m'écraser, moi. » dit Bruno. Le professeur était de retour. Une redingote remplaçait sa robe de chambre et il portait une curieuse paire de bottes terminées par deux parapluies ouverts. « Je pensais que vous aimeriez les voir. Ce sont des bottes pourtant horizontales. » »« Et quel est l'intérêt d'avoir des parapluies autour des genoux ?» Pour la pluie ordinaire, cela n'a aucun intérêt. Mais si jamais il pleut horizontalement, elles deviennent inappréciables. Tout simplement inappréciables. Emmenez le professeur à la salle à manger, mes enfants, dit le gouverneur. Et dites de ne pas m'attendre. J'ai pris mon petit déjeuner de bonne heure et j'ai du travail. Les enfants prirent le professeur par la main, aussi familièrement que s'ils l'avaient connu depuis des années, et l'entraînèrent. Je fermai respectueusement la marche. Au fil d'une onde calme et lisse, le bateau indolemment glisse, imbu d'ineffables délices. Chacune des trois douces sœurs, enchantée, écoutant l'histoire, est blottie auprès du conteur. Le soleil à l'horizon sombre, l'écho s'assourdit et le sombre automne étend déjà son ombre. Mais toujours me hante l'image d'Alice endormie en voyage parmi d'étranges paysages. Cependant qu'auprès du conteur, écoutant la magique histoire, se pelotonnent les trois sœurs. Rêvant, rêvant au sans pareil pays des monts et des merveilles où brille un nocturne soleil. Laissant s'enfuir l'heure trop brève dans l'or du beau jour qui s'achève. Vivre, ne serait-ce qu'un rêve? C'était Pages arrachées à Lewis Carroll. Une coproduction France Culture et le Théâtre de la Ville, enregistrée à l'Espace Cardin le 24 novembre 2018. Deuxième épisode avec Philippe Lodenbach, Jean-Paul Faré, Olivier Claverie, Élise Caron, Juliette Roudet, Emeline Bayard, Yvan Cory, Pierre-François Garel et Pauline Moulaine. Choix des textes, Pierre Sange. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Équipe technique, Benjamin Perru, Nicolas Depagraf. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire. Les textes lus étaient extraits de l'œuvre complète de Lewis Carroll, parue en deux tomes chez Robert Laffont dans la collection Bouquins, traduction Henri Parisot, Fanny Deleuze et Bruno Roy.